Comme Paris à la Seine, Toulouse au canal du Midi, à gueuler l'amour sur la Seine, à gueuler l'amour même si on appartient au domaine où poussent des fleurs, des mots, des fruits, petit jardin dans un désert, il aura suffi d'une vie. Il y a des choses qu'on ne dit pas, ce serait gâcher ce que l'on vit. Écoutez le silence, là vous entendez pas. Il y a toutes ces choses que l'on donne, et vous savez c'est pas grand chose. Je suis un peu là mon automne, s'écrit là où les feuilles se posent. La vie est bien celle que l'on croit, la vie n'est pas comme on le dit. On a tellement de douceur en soi et de violence, de feu, de suie. Il y a des choses qu'on ne dit pas, ce serait gâcher ce qu'on vit. Écoutez le silence là, vous entendez pas. De ton ventre tonne, un orage de sang s'étourdit, et comme des larmes d'une tonne qui tombent sur ta tempe, toutes ces vies que tu transformes en cathédrale, en forêt ou en poésie, peuplées de milliers d'animaux, des femmes, des feux, des hommes nus. Il y a des choses qu'on ne dit pas, ce serait gâcher ce que l'on vit. Écoutez le silence là, vous entendez. Il y a des choses qu'on ne dit pas, ce serait gâcher ce que l'on vit. Écoutez le silence là, vous entendez-moi. Entendez-moi.